Machine à l'instant sur RCFM. Tout de suite, nous retrouvons la chronique Prima Donna. Elle vous est proposée par Valérie Franceschetti. Aujourd'hui, à son micro, Cécilia Castelli. Vous êtes dans quel service ? Alors moi, j'ai travaillé dans le service de gastro-entérologie dans l'ancien hôpital d'Ajaccio. Et aujourd'hui, dans le nouveau ? Alors non, j'ai pas découvert le nouveau parce que pour faire la promotion de mon livre qui est sorti en septembre dernier, j'avais pris un congé, j'avais fait une demande de disponibilité que je prolonge actuellement pour me consacrer à l'écriture. Donc un parcours intéressant entre votre métier à l'hôpital d'Ajaccio. Pour l'instant, vous ne connaissez pas encore le nouvel hôpital parce que, entre-temps, vous avez écrit « Peupler la colline ». Oui. Alors, c'est un questionnement autour de l'enfance. Tout à fait. Alors, autour de l'enfance, bien sûr, mais aussi de tous les proches de cet enfant. En fait, il s'agit de l'histoire de Romain Poitevin, qui est un personnage que j'ai imaginé, mais c'est un petit garçon de 8 ans qui est à la base assez différent de ses camarades de classe, un comportement en tout cas à part, atypique on va dire, et lors d'une sortie scolaire, il va disparaître de façon mystérieuse. On ne sait pas ce qui lui arrive. En tout cas, ses proches n'ont aucun indice, aucune réponse. On n'est pas dans ce qui est dans l'actualité. Hein. C'est un livre que vous avez écrit bien avant. Puisque... Alors, c'est un livre, oui, il y a eu bien cette sûr. Histoire de, oui, du petit oui, garçon oui. qui a disparu récemment, mais malheureusement, les histoires des disparitions. Bien. Moi, je me souviens, j'ai été marquée quand j'ai écrit ce livre de la disparition de la petite Marion Wagon. C'était dans les années 1996. Moi, j'avais à peu près 13 ans. Et je me souviens d'avoir le visage de cette petite fille qui était imprimée sur les briques dorées qu'on découvrait au petit déjeuner. Oui. On avait et je me souviens que ce visage m'avait marqué. Oui, que si quelqu'un l'avait vu. Oui. D'accord. C'était une méthode américaine qui arrivait en France. Voilà. Donc c'était la première fois qu'on a imprimé à des millions d'exemplaires le visage d'un enfant qui avait disparu. Et l'histoire de Peupler la colline, d'ailleurs, se passe plutôt dans les années 80. Voilà. Donc ce n'est pas actuel. Et alors tout ça, donc à partir de ce questionnement d'enfance, là, voilà, vous avez décidé d'écrire ce livre Peupler la colline, l'école. L'enfance, on en proie l'enfance au monde extérieur, bien sûr, puisque c'est le monde de l'enfance. Oui, alors on a déjà ce petit Romain Poitevin, de par son comportement, qui est à part et qui peut être un petit peu chahuté par ses camarades. Et ce petit garçon qui va disparaître de façon mystérieuse, alors déjà sa disparition va avoir un impact sur tous ses proches. Je n'ai pas écrit ce n'est pas du tout un roman policier où on enquête, où il y a de, voilà. C'est plutôt un roman qui est plus, on va dire, psychologique, et presque après on bascule dans le conte aussi. Hein. La tournée des marchés France Bleu s'achève ce samedi 21 octobre à Ajaccio avec RCFM. À cette occasion, le chef Yannick Lambert du restaurant à Merende la Cittadina va relever un beau défi autour de la cuisine corse. Avec 30 euros, il devra faire son marché et réaliser un menu pour 6 personnes. Vous serez ensuite invité à déguster ce que notre chef aura préparé. La tournée des marchés France Bleu avec RCFM, le samedi 21 octobre, de 10h à midi, place Camping qui est à Ajaccio. Mettons un coup de projecteur sur les pros avec Cerise de Groupama. Mais Jacques, vous ne pouvez pas continuer à travailler avec des béquilles, voyons. Si je m'arrête, Cerise, je n'ai plus de revenus. Et si je ferme, ici, il n'y aura plus de commerce. Avec les solutions de prévoyance Groupama Pro, nous pouvons assurer jusqu'à 100% de votre revenu en cas d'arrêt de travail. Ah, mais c'est très bien, ça. Les très petites entreprises font de très grandes choses. Et chez Groupama, nous sommes là pour les soutenir. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupamapro.fr. Savez-vous qu'il est possible de désigner le Secours Populaire Français comme bénéficiaire de votre assurance vie ? Oui, et j'ai souscrit une assurance vie en faveur du Secours Populaire. Je leur fais confiance pour agir concrètement pour un monde plus juste et plus solidaire auprès des personnes qui en ont le plus besoin, près de chez moi, en France et dans le monde. Demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre. Da Viguia à Conca, da Morusai à Cargese, RCFM, insieme siamo. Quasi non da vestuta come un sarre punduleia mi ci vesta l'una notte mi ci vesta l'una rubado não tenho meu vizinho principessa do namorado principessa do tempeto camperà in questo luogo principessa d'una notte principessa d'una notte sotto io ad all'accesi luce di mille colori i sogni di stare appesi siamo tutti in bullori principessa d'una strisce il brume quale sera all'inizio che l'ha dato l'antulume ci pensa tutta notte principessa tutta notte e quale la visione d'una notte stellata come un cameleone piano piano si è pietata ci Pedro Guelfucci, un strato di uso ultimo ischetto, dirà i modesori qualche anno fa, a principessa d'una notte. Tout de suite, nous retrouvons votre chronique, le numérique, ça s'explique. On va parler aujourd'hui de ce réseau social très connu, très populaire chez les jeunes, TikTok. Eh oui, qui l'eût cru, l'eusse-tu cru, que les recettes de grand-mère cartonneraient sur TikTok, le réseau social préféré des jeunes ados. On écoute. J'ai pensé toute la nuit que j'allais faire une tarte spéciale pour les amis TikTok. Ici, on entend Mamie du compte TikTok Mamie et Matt. Matt, c'est son petit-fils et c'est lui qui tient les rênes, évidemment. Il filme sa mamie au quotidien qui prépare plein de recettes et il va ensuite les diffuser sur le réseau social. Et les recettes de Mamie et Matt, c'est un véritable carton. Accrochez votre tablier, elles sont suivies par 2 millions d'abonnés. Par exemple, sa recette du croque-monsieur a été vue 4,4 millions de fois. Et sa recette de burger à l'ancienne, 4,7 millions de fois. Ça va en faire des croque-monsieur et des burgers. Le numérique, ça s'explique. D'après vous, pourquoi ça a autant de succès ? Eh bien parce qu'on a l'impression que c'est notre mamie à nous qui nous donne des conseils. Elle révèle vraiment tous ses secrets. Le temps de cuisson idéal, les bonnes doses, même quand c'est un peu à la louche, et ses ingrédients fétiches. Et le petit plus, c'est que c'est interactif. Mamie, on nous a proposé une nouvelle recette. Ah bon, c'est quoi ? La spécialité de chez nous. Le burger à notre façon ? Ouais ! Faire le burger à notre façon, il vous faut un oignon rouge. Ce sont les abonnés qui choisissent les prochaines recettes que va cuisiner Mamie. Fondant au chocolat, crème brûlée à l'ancienne, île flottante, pain perdu, tout y passe. C'est régressif, c'est cosy, et on sentirait presque le gâteau qui sort du four à travers l'écran du smartphone. Oh là là, ouh, ça sent bon. Je vais vous montrer la recette des pets de grand-mère. Ah, bah non, je retire ce que j'ai dit. Les pets de grand-mère, il vaut mieux les voir en vidéo TikTok que de les avoir dans le nez. Et tout de suite, nous poursuivons en musique. Voici Claudio Capeo avec David Esposito, Senso una donna. Et dans quelques secondes, nous parlerons de chansons corses. Une chanson du groupe Tawa Agnashi, bien ce sera dans Un giorno una danzona. C'est pas comme ça que je passe mes journées, chérie. Comme est-ce que tu es parti d'un coup, tu reviens, lady. Je suis là, face à la mer, seul avec moi. Mi faccio anche da mangiare. C'est comme ça, ça te fait rire. Je n'ai plus aucune peur de rester senza una donna. Senza una donna, à l'instant, sur RCFM. On vous l'avait promis, tout de suite, on retrouve la chanson corse. On va parler d'une chanson du groupe Tawagna aujourd'hui. Se lo Giulia rimette un premio di più bella adattazione d'una canzone di Uvor in lingua corsa, di sicuro parecchi uderiano per a scimmia. Adattazione faullosa di Legorie de Jean Croissens. D'altronde, posto che non ci siamo, amusiamo già appena a fare un giretto tra le riprese famose di un canto corso. Di già, in anni 70, questa versione di Darkos Dungeon di Journeyman dava a budentissima Strada il Homo ti canta. Tutto chi cerchi l'Eden in cielo a mandare. Un coup di più esotico, ecco o canto di Bartigiani, di Igor di l'Armada Rossa, ribiadi di Aidiama Dialesi. Nel pour viaggiare le version di l'Albin ou di la balade nord-irlandaise de Renaud. Sempre con Renaud, a scherzo sotia da di Bogulera, a marche à l'ombre. Et je me suis dit, c'est vrai que je suis épais comme un sandwich SNCF, et que demain je peux tomber. Arte difficile da adattare, si può certe volte conta una tutt'altra storia di quando si solo di a musica. Ho cercato, trascrivo, scritto di modo fido, ma tanto bisogno non tradisce né l'odore né la lingua di un australe. Difficile molto più quando lo si tratta di una scrittura ad un livello altissimo come quella di Brassens. E di questo punto di vista, Agustì, difficile di va meglio che la scimmia di Davagna. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille sans souci du qu'en dira-t-on. All'origine, le gorille è una storietta scherzosa di donne che guardano con una certa oia un scimmione stanguto in una gabbia e a seguito di agonicide. L'animale scappa e sfoga i sogni d'astinenza con un giudice troppo sicuro dello per fuggire. O canto era per Brassens cantatore libertario, anche anarchista, una maniera di ridersi dell'autorità, dell'istituzione, ma soprattutto porta qua magagna una critica contro pena di morte. Car le juge au moment suprême criait maman pleurait beaucoup comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. L'adattazione è firmata da Leo Donati, poeta poco conosciuto e puro, chi talento. O genio di uso scritto tenne indovato di ribia ogni scena di Brassens con vocabolario corso sputico, ribiazzando ogni immagine in un universo paesano australe. E via di meraviglia, espressione di onne, e virsure di infrasate, l'immagine scelta, tutto è perfetto. Tutto suona giusto, da avete un caracco a un parasciutista di Djibouti passando per la diostra di Bedanto e ciò che ci si passa audio. Ho scritto un a caso tra Emone e Rick Barr, di un gruppo d'Avagna. Capisce subito che lo ha qualcosa per Emone. Ma per poterlo registrare ci vuole la permissione di Egazeischi di Brassens, cosa diventata piuttosto complicata oggi. C'è Ursudo che, per fortuna, o cantore tavagninco caschesse una sera di vesta nanta un nipote di Brassens che, dopo qualche bicchiere, dede di gora permissione al gruppo di ribia a canzona di uso bandizio. Portata da voce di Rick Barr, la scimmia esce in 2009 nanta un disco L'orto di nostre muse di Davagna e ne costituisce uno di duelli. Un duello che ci smeraviglia, come smeraviglia d'esoda davanti a scimmia, Margherita, Santa e Nini, d'una cosa come posso dire. Annoioso in un'abbia mio mando sempre perché ui genu pericoloso portato un'anta o viege manco a so porte scritto scimmia ma io verdendo lo è libro anche un asumia in cui indicar lui se è da scimmia da un'anta abbiamo badate Margherita Sante Nini guarda vanno meravigliate una cosa con possui per un dispiace troppa mamma io parlerò giù così quelle serra vi una stanga chi si ne vede poche qui e da scimmia ma abbia giui a male e all'ispensa da sabri e ne surti quell'animale dicendo va basta così di eseghena di una decchia e di ugami con su allo approntate e badanecchie vaglia fave gualo so tentasi parendo che l'irrabussello Margherita Sante Nini a tipono beugio sello dicendo un ciolasta qui Santa Igia naio isto mai so gali robusti manco quello parasciutisto che io con novia ci butti acque a confusione e tutta la gente scappò fuori d'un giudice istruzione è una vecchia un caracco a vecchia isse anima santa i voi che le mortanto una di un paspato tanto un diceri a mincaino e da scimmia quello giudice spensato

Dépassé avec Nuit Incolore à l'instant sur RCFM. Da Zilia a Per, da Bontale a Cutoli, RCFM, Cunoi si deve. Marie-Ange Koupki et Valérie Franceschetti, c'est votre rendez-vous bien-être chaque jour sur RCFM Bella Anima. Tout de suite, ce sont des conseils sur la méditation. Nous retrouvons Marie-Ange Koupki avec plaisir pour Bella Anima. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Valérie. On parle cette semaine de la méditation, on en a besoin, c'est la rentrée. Vous avez précisé hier que la relaxation, le but c'est un relâchement, une détente physique, musculaire, émotionnelle. Alors que, si j'ai bien compris, la méditation, elle ne vise pas à l'atteinte d'un objectif particulier, comme le relâchement musculaire par exemple, mais ça correspond à un mode d'être ouvert à l'expérience du moment. On se concentre sur le moment, si j'ai bien suivi, quel que soit, sans chercher en fait à modifier l'instant. Alors, quelle est l'efficacité, Marie-Ange, de la méditation par la pleine conscience, que vous appelez par la pleine conscience? Alors, la pleine conscience présente des preuves d'efficacité comme approche de réduction du stress, c'est-à-dire que sans chercher à se déstresser, sans chercher à se relâcher, il y a des réductions du stress. Dans l'accompagnement des douleurs chroniques, bien entendu, c'est le médecin qui accompagne la douleur chronique. Nous sommes un accompagnement en plus. Donc la douleur chronique, la pleine conscience permet des réductions de certaines, par exemple, comment on peut dire ça, détresse émotionnelle par rapport à la douleur. C'est efficace contre le stress, l'anxiété, les perturbations de l'humeur. Parfois, il y a des personnes qui passent de la tristesse à la colère. Elle améliore l'empathie, le sentiment et la capacité de contrôle sur soi. Parce que la personne qui a un ego surdimensionné, qui est dans les peurs, veut tout contrôler, la perfection. Et la méditation permet justement d'avoir moins de contrôle personnel, d'être plus relâchée et plus confiante, par exemple. Important. Vous précisez que le moment présent, l'instant présent, ça joue un rôle fondamental dans la pleine conscience. Alors, on n'est pas souvent dans le présent, Marie-Ange. On est où, alors, finalement, dans le passé? Dans nos pensées. Dans nos pensées. Il s'est passé ci, il s'est passé ça, des pensées parfois qui sont difficiles à éteindre, alors qu'elles sont inutiles, c'est passé, il y a eu un souci, il est passé, c'était il y a 2 heures. On peut pas changer cette situation parce que c'est passé. Ça nous déconnecte du moment présent. Ça peut devenir problématique parce que parfois on peut les croire vraies, des personnes qui pensent des choses fausses sur leur couple, sur leur amitié, alors que c'est simplement parfois des distorsions, lectures de pensée, des présuppositions. Les pensées ne sont pas des faits, et en méditation, le but c'est de les observer, ces pensées, plutôt que d'être pris dans le train des pensées. On pense que c'est comme ça parce qu'on l'imagine que c'est comme ça, et puis finalement... Oui, voilà, il y a des jugements, il y a nos automatismes, donc ça va porter cette méditation avec un certain entraînement, du lâcher prise, dépasser certaines croyances limitantes, des pensées automatiques, les jugements, les comportements, les émotions, dans la distorsion de la réalité. Vous nous proposez un test, Marie-Ange ? Oui, il y a un test, Valérie, donc répondez comme ça spontanément. On vous invite à répondre sincèrement, spontanément. Donc êtes-vous vraiment dans l'instant présent ? Alors, première question, je suis ouvert à l'expérience du moment présent. Vrai, tout à fait d'accord ou pas d'accord ? Donc plus vous allez répondre oui, et plus ça va être positif. Je donne la seconde question. Oui, Valérie. Je suis consciente de mon corps quand je mange, quand je fais la cuisine, quand je fais du ménage ou quand je parle. C'est-à-dire, est-ce que je suis consciente dans l'instant que je suis en train d'éplucher mes pommes de terre et que je suis en train de manger, ou est-ce que je regarde mes mails et mes textos, ou est-ce que je pense à ce qui va se passer demain ou ce qui s'est passé hier? Déconnecté. Allez-y pour la troisième. Quand j'ai l'impression d'être ailleurs, je suis capable de revenir à l'instant présent. Est-ce que je suis capable à certains moments, si mes pensées partent dans tous les sens, de me dire, ok, allez, reviens là dans le présent, dans ton corps, dans tes pieds. Ici et maintenant. Il n'y a pas de bon ou de mauvais résultat, mais un certain Harald Wallach précise qu'au plus le score est élevé dans les questions auxquelles vous venez de répondre, meilleur est notre mieux-être psychologique et notre capacité à ne pas être affecté négativement par le passé. Voilà, Exactement. Par exemple, est-ce que je suis capable de m'apprécier? Est-ce que je fais attention à ce que peuvent cacher mes actions? Est-ce que je peux repérer mes erreurs et mes difficultés sans les juger? Etc. Est-ce que j'accepte les situations? Est-ce que je suis bienveillant avec moi-même? Est-ce que j'observe mes sentiments sans être accaparé? Et est-ce que dans les situations moins faciles, je peux faire une pause et ne pas réagir immédiatement? Voilà, donc il y a des tas de questions. Est-ce que je peux sourire parfois quand je m'aperçois que parfois la vie n'est pas si facile? Et est-ce que je suis patient avec moi-même et avec les autres? Alors, comme vous dites, les avantages sont nombreux. De vivre plus dans l'instant présent, ça va permettre moins de projection mentale vers le futur, moins de ruination, plus de clarté. Cette méditation, elle est issue de traditions millénaires, la pleine conscience, et c'est des méditations laïques, voilà, laïques, détachées des aspects religieux. Merci à vous, Marie-Ange Cookie. Demain, à demain, nous continuons à parler de ce sujet de la méditation. À demain. D'ailleurs, à quelques minutes, nous redouerons diante memoria di Andiola Potentini, qui c'è da parler oggi, di un professeur escrivant un historien, Eugenio Gherardi. En attendant, nous poursuivons en musique sur RCFM. Voici Orlan, Something to Remember. Time of passion to catch me, say, oh. Something to remember à l'instant sur RCFM. Allez, subito, e mudare i droi di ante memoria. Diandio la potentini, ci parla oggi in disordine tratti di personalità che hanno fatto a Gorsica Odinca di un professor historiano Eugenio Gherardi. Siamo sempre in compagnia di un professor escrivano Eugenio Gherardi. Imposto all'Università di Gorsica, Eugenio ci parla oggi all'ora di rivoluzione numerica e di aiunta di nudi l'intelligenza artificiale. Siamo in tornia di dernesi assai nui e tecnici. A gioventù ha la possibilità oggi d'andare più lontano, gradone a tutti i sernesi che sono disponibili e di più in più. Questa non si può parare e ce la tiranne un meglio e metterli a pro di un nostro lavoro. Siamo in piena mutazione a suo livello gusti, un numerico permette una gestione più facile di un lavoro che prima, ossia che dava la possibilità di lavorare e dava parecchi affari disponibili non all'ordinatore, facilità di tutto, ma quantunque c'è bisogno dava regole di beta sta rivoluzione e sta mutazione, ma si può di nuca balzare e perde la vera nozione di cose. D'aiguille à quelques minutes, sera au ridorno di l'attualità, et poi saremo sam, et sin à cette oreillère, j'en profite pour vous glisser dans l'oreille le nom de notre invité. Aujourd'hui, nous recevrons Paul Agostini. À partir de 18h, il va nous parler de Juventù in Canto, une soirée qui va regrouper, eh bien, un plateau assez exceptionnel de jeunes chanteurs insulaires. Ce sera dans le village de Bulpaiore, et ce sera samedi à partir de 18h30. On aura l'occasion de parler largement de cette initiative, de cette soirée, donc en compagnie de l'organisateur à partir de 18h. En attendant tout de suite, c'est Beyoncé, Crazy in Love. So crazy, baby. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy. Beyoncé, Crazy in Love, d'ici quelques secondes, c'est le retour de l'actualité sur RCFM. Jusqu'au 22 octobre, France Bleu fait sa tournée des marchés. Chaque jour, 2 heures d'émission au cœur d'un marché et un défi lancé à un chef de la région. Cuisiné en direct et uniquement avec des ingrédients achetés sur place. Au menu, des produits locaux et de saison et beaucoup de bonne humeur. La tournée France Bleu des marchés, toutes les villes, toutes les dates sur francebleu.fr. Retrouvez la tournée des marchés avec Domitis. Plus de 150 résidences services seniors partout en France à découvrir sur domitis.fr. Parti cœur au bois dormant, le sourire entre les dents, mon silence radio, souvenir fluo. Que reste-t-il maintenant? Kimono et bras ballants, seulement quelques mots à te dire tout haut. Comment je perds mon sang, froid en un instant. Tire autour de mes failles, comme une ceinture de samouraï. Et moi qui cède sûrement à l'appel du vent. Il est 17h sur RCFM. Et c'est le retour de l'actualité en compagnie de Clémence Gourdon-Négrini. Bonsoir. Bonsoir Marc-Andrea, bonsoir à tous. L'enquête sur l'assassinat de David Costa-Dolezy, désormais entre les mains de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, avisée juste après les faits hier, peu après 17h30, au cœur de la citadelle de Bastia. L'AGIRS se saisit sans surprise pour l'Ortoli. Si l'on s'intéresse à la personnalité de la victime, reliée à plusieurs équipes criminelles. Oui, David Costa-Dolezy faisait partie du wouzou des 25 bandes criminelles corses ciblées par le service de renseignement de la police au sein de l'équipe des Federici. Mais selon une source judiciaire, il avait plutôt été mis à distance du clan de Vanzolas, car son nom circulait comme étant relié à d'autres bandes comme celle du Petit Bar. Cet ancien de la bande du Master Café gérait aussi plusieurs établissements, mais était connu pour des faits de racket. Son casier judiciaire porte les stigmates de ce passé. David Costa-Dolezy avait copé de 18 mois d'emprisonnement pour extorsion et violence sur le chef d'entreprise Patrick Rook en 2017. Et récemment, il avait été condamné dans une affaire de trafic de machines à sous à 5 ans de prison avec un mandat de dépôt différé. Il devait d'ailleurs entrer en détention le 8 novembre, a confirmé le parquet de Bastia. Son autopsie doit être réalisée en fin de semaine. Mais pour l'instant, la justice suit la trace de ces deux tueurs au visage dissimulé, munis d'armes de poing qui ont tiré à 4 reprises sur David Costa-Dolezy, puis se sont évanouis dans la nature, un véritable contrat dont il reste à déterminer mobile et commanditaire. Et cet homicide est le 11e cette année en Corse, le 50e règlement de compte. Si l'on compte seulement le mois d'août dernier, 4 assassinats ont été perpétrés dans un même contexte lié à la criminalité organisée. Et en parallèle, le travail entamé il y a bientôt un an par la CDC et le collectif sur la mafia ont pris du retard. Pourtant, il est urgent d'agir, rappelle l'un des porte-parole du collectif Massimo Susini. Nous l'entendrons dans le journal de 18h. À Ajaccio, la fuite de gaz toujours en cours à Pietralba, Engie et les services techniques interviennent toujours du côté de la résidence Valle Serena. Les habitants sont toujours privés d'électricité. Le retour à la normale est prévu en fin de journée, indique l'ACAPA. Les liaisons vers la Corse ne sont pas concernées par l'annonce d'Air France de quitter l'aéroport d'Orly en 2026. Le groupe le précise aujourd'hui après avoir annoncé qu'il laisserait la place à Transavia pour ses lignes intérieures qui sont majoritairement déficitaires. La compagnie rassure donc, conformément au cahier des charges de la DSP, ces liaisons de et vers la Corse resteront assurées depuis Orly. Pour rappel, elle est candidate avec Air Corsica, la future DSP face au low cost Volotea. Êtes-vous éligible au prêt à taux zéro pour accéder à la propriété? Début de réponse, c'est oui à Calvi. À partir du 1er janvier 2024, le dispositif est étendu à plus de villes, dont Calvi, donc, mais aussi à plus de personnes, notamment les classes moyennes avec des salaires entre 2500 et 4000 euros. Et il est également prolongé jusqu'à 2027 avec des crédits allant jusqu'à 100 000 euros. On vous explique tout en détail dans notre prochain journal. Des rassemblements demain à Ajaccio, à Bastia et à Porto Vecchio en hommage aux professeurs tués dans l'attaque terroriste à Arras vendredi dernier. Ils sont organisés à l'appel de la Fédération des parents d'élèves de Corse et l'intersyndicale pour montrer un soutien sans faille à l'ensemble des personnels de l'éducation nationale. Ciné Musica, c'est parti. Le festival du film musical s'est ouvert aujourd'hui au cinéma Le Fogata à Lille-Rousse. Films musicaux, biopics, documentaires sont mis en avant depuis 6 ans déjà à travers cet événement et le genre est loin d'être réservé uniquement aux cinéphiles. La programmation est vaste, nous rappelle Alain Raymond Souzoni, le délégué général du festival. Nous passons essentiellement des films qui ont un lien direct avec la musique. Donc ça peut être des biopics sur des musiciens, des documentaires, ça peut être des comédies musicales, tout film de fiction dont le personnage principal a un lien direct avec l'univers musical. Contrairement à d'autres festivals qui, eux, sont dédiés à la musique de film, nous avons choisi, nous, une autre orientation qui est celle des personnages, des musiciens connus, soit des films dans lesquels le personnage principal est un musicien ou un rapport avec le monde musical. Et il y a un lien effectivement direct entre la musique et le cinéma depuis l'origine, puisque même du temps des films muets, il y avait toujours un musicien qui montait sur scène et qui accompagnait les films. Donc c'est vraiment ce lien qu'on a voulu mettre en évidence au cours de ce festival. Rendez-vous jusqu'au 24 octobre mardi. Le détail de la programmation est sur la page Facebook du festival. Merci Clémence, on se retrouve à partir de 18h. La météo 100% locale avec les magasins Gamme Vert de Corse. In Ajaccio, Calvi, Luciana, Pune Lidiviu Morbu e Porto Vecchio. In ogni corso c'è un campagnolo. Avec un temps qui va être assez couvert cette nuit et puis il y aura des averses qui seront assez nombreuses, notamment sur le nord de l'île, en particulier sur la Balagne, sur la région cortenaise. On attend jusqu'à 20 mm par endroit, un vent qui va être assez fort aussi par endroit, des rafales qui pourront toucher jusqu'à 55 km à l'heure. Les températures cette nuit, 15 à 18 degrés au bord de mer, 12 dans les villages de l'intérieur. Et puis demain, la matinée va être assez ensoleillée et puis petit à petit dans la journée, le temps va se couvrir, des orages seront possibles, il va y avoir des averses de plus en plus importante au fil de la journée avec la dégradation qui va se poursuivre jusqu'à 40 mm d'eau pourront tomber par endroit, notamment sur le relief. Le vent, lui, va être assez fort dans certains secteurs, notamment le Cap Corse, des rafales qui pourront toucher 85 km à l'heure en début d'après-midi demain. Les températures 23 à 26 degrés au bord de mer, 15 sur le relief. Cette semaine, écoutez le cabaret de Freddy Olmed. Le guitariste nous présente ses créations et son premier album, Puke Mai. Le cabaret, diffusion le mercredi à 19h le dimanche à 12h et en podcast sur bleurcfm.fr. Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de cette émission. Une émission où nous aurons le plaisir de retrouver plusieurs de vos rendez-vous. Nous aurons le plaisir de parler de sport, de parler de l'équipe du Worg aujourd'hui dans notre chronique Sporting. Un collector, ce sera Céline Dion qui sera à l'honneur aux côtés de Nicolas Lespaul. Nous aurons également le plaisir de retrouver Henri Olmette avec Amémi Barre et de retrouver Campacui du côté de Pine en compagnie de Christophe Zagaï. À beauté, bien-être, des conseils en compagnie de Muriel Cresté. Un extrait de votre émission Le Cabaret, puis à partir de 18h, place à la culture. Nous parlerons de la soirée du Antwinkant ou du côté Diaboul Padiola. On salue Hugo Piedri qui est à la technique. Nous saluons également Marion Jodos qui vous accueille au standard. Et Dizigour, Nanta RCFM, Bibregama Tutti, una buonissima serata in musica. Gruppo Bocevento, Kyrie Christe, Nanta RCFM. Bonjour, Kyrie Christe, Nanta RCFM. D'ici quelques minutes, ce sera notre chronique sportive. Nous parlons aujourd'hui de l'équipe du Worg. En attendant, nous poursuivons en musique. Voici Pascal Obispo. Comment s'aimer ? Tout ça n'a plus grande importance. Fois que j'y repense, j'ai bien aimé comme on s'aimait. Marcher était un pas de danse, et je crois qu'on marchait sur l'eau. Il me reste cette évidence. J'ai bien aimé comme on s'aimait. Chaque jour, peut-être. peut-être un jour de chance. Chaque mois peut-être un mois de mai, mais comment savoir à l'avance? Comment savoir comment s'aimer? Comment savoir comment s'aimer? Comment savoir comment s'aimer? Comment savoir? J'ai eu des joies immenses et des peines à peine voilées, mais sans chercher l'équivalence. J'ai bien aimé comment s'aimer, de quoi est faite l'existence? Que reste-t-il à l'arrivée s'il faut sauver quelques séquences? Je garde celle où l'on s'aimait. Un printemps sans cesse renouvelé, mais au-delà de l'attirance, comment savoir comment s'aimer? Comment savoir comment s'aimer? Comment savoir comment s'aimer? Savoir comment s'aimer. Chaque jour peut être un jour de chance. Chaque mois peut être un mois de mai. Encore faut-il saisir l'urgence de savoir comment s'aimer. Savoir comment s'aimer. Comment savoir comment s'aimer. Pascal Obispo à l'instant sur RCFM. Tout de suite, c'est votre chronique sport. Le sport sur RCFM avec Marc-André Castellani. Salut à tutti, si parla di Wallo e di Orgu in sta cronaca sportiva. Una stagione come un cammino di croce hanno passato, avvalata da un nazionale a nazionale 2, poi un principio di stagione complicato quest'anno, con 4 sconfitte e una parità, non ta i 5 primi scontri. Un deserto, che parava 3 a Sovine con una prima vittoria in campionato e una qualificazione in Coppa di Francia non ta i 2 ultimi scontri, volta dunque a speranza per i Orghigiani e il suo presidente Giuseppe Orsini. Come ci andiamo? Abbiamo scambiato tutta la squadra, che più di 90% della squadra è scambiato, l'intrenore è scambiato, dunque i clienti abbiano l'abitudine a conoscere, pensano a conoscere, a giocare insieme, e sappiamo che la coesione si piace più tempo, non si mica inchiedi, e la fase non va più bene, per quest'anno è una stagione per noi di transizione, come si dice. E sicuro. Speriamo avere una stagione di piano piano, la fase non andrà bene. Donc, ah, on avait un bon joueur davanti, on a la squadra et on confiance en entraîneur. Donc, j'espère que tout en ira bien. Facciamo un travail, l'équipe et les joueurs qui travaillent, l'entraîneur qui travaille. Facciamo la fare bien, on a une récompense de notre travail. On est manqué à 3, on a, disons, au niveau di una giornata di due. Adesso ancora un po' di tre match difficili, tre partite che sono un po' tornate difficili, ma facciamo bene, mi dice, le fasi facciamo bene. La prossima tappa per questa squadra di Orgo sarà sabato in campionato in nazionale 2, non ti auderemo di a squadra di Chateaubriand. Ci sono andato con volontà di vincere, no? Ci sono parte con volontà di vincere, ma ci sono anche buonanti, e di per un match di noi saremo contenti. No? Per un match di match, per la confianza, cominciare a fare il risultato ancora fuori di casa. Donc, ma jonda, et puis on est bien. De toute façon, il y a un moment les ça va être expliqué. Enfin, vous voulez, on démoura là, parce qu'on tombe au résultat. Derrière, vous pouvez vous dire, vous pouvez vous dire qu'il est avant. Chini, moi, d'arrivée d'un oeil. Bisogno di punti dunque per Bourguignon, qui sont sempre ultimi à classifica. La squadra di Chateaubriand est la di quinta. En Corse, nous sommes de plus en plus nombreux à déposer nos vêtements inutiles dans les bornes à textiles. Continuons à les apporter propres, secs et dans un sac fermé dans l'une des 200 bornes à notre disposition sur notre île. Je trouve la plus proche de chez moi sur sivadec.fr. Sivadec. Fais-moi perdre domani. Renault. Prix des carburants en hausse. Restrictions de circulation pour certains véhicules. Vous aviez déjà beaucoup de raisons pour passer à l'électrique. En voici une de plus. Renault Mégane E-Tech 100% électrique, dès 300 euros par mois. Borne de recharge et installation offerte. Mégane E-Tech équilibre V60 supercharge hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1500 euros après déduction prime gouvernementale. Voir service-public.fr. Borne et installation dans la limite de 1900 euros. Offre à particulier jusqu'au 31 octobre si accordiac. Voir conditions sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Essayez-la chez Renault Ajaccio Automobile et Renault Balési Automobile Bastia et Porto Vecchio. Pourquoi préférer MAF Pro ? Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur ? Peur de quoi ? Ben je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur MAF.fr. IKEA. Attends, t'es prêt là? Tada! Waouh, sympa la déco, mais on est où? Bah mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre avec la carte gratuite IKEA Family, la chaise d'extérieur Ascolmen est à 20 euros au lieu de 40. Conditions sur IKEA.fr. Da Biguia à Conca, da Morusai à Cargese, RCFM, insieme siamo. Et tout de suite sur RCFM, nous allons avoir le plaisir de jouer ensemble. On va vous faire gagner un très joli livre CD. C'est le livre CD Pirue Rigucada qui vient de sortir, le tout nouveau. Un très joli cadeau pour notamment des gens qui auraient des enfants, notamment pour les sensibiliser par exemple. Alors là encore, c'est leur faire découvrir de très beaux dessins, une très belle histoire. Ça, c'est le premier cadeau. Et puis, puisque nous y sommes, on va vous faire gagner également deux t-shirts du Corsica Bike, un très joli événement qui va se produire du côté d'Île Rousse. Ce sera à la fin du mois. Ce sera entre le 26 et le 29 octobre. Voilà, pour gagner ces t-shirts et gagner le livre Piru et Rigucada, c'est très simple. Il faut remporter notre petit blind test. Vous nous appelez et vous jouez avec nous. Il faut découvrir cette chanson mystère, soit son titre, soit le ou les interprètes. Voilà, il y a plusieurs possibilités pour gagner. C'est assez facile. Écoutez bien, appelez-nous au 04 95 32 22 22. Già volta un po' di tu. Amo occhi si ingrenda due onde di Isabella, due un fiume via sorgente, due un passaponti acqui dolce e opulente, e ora di bruati alla niente. Taglia un parrado nerte, cerca fame o amuso, ma se tu scegli un altro cammino, d'aliso, uma baralizo, di amati a volta ugo resitto, amo speranza una aperta più buona, di amo canzona ugo zitto. Stato tante scale mondali, un fiume gore sempre a un mare, tu e l'amore fatto uso di luci pare, ti sente più c'è magicare, una fiorda riso, una paradiso, di amati a volta un gore zitto. Amo speranza una aperta più buona, di amo canzona ugantu zittu. Amati a volta lungo resitu, amo speranza una aperta più buona, di amo canzona. Uma Viorda Lise, ou Marie-Jo est Félix, c'était la chanson mystère du jour. Et félicitations à Jean-Luc de Proubia qui nous a appelé, qui vient de remporter donc, d'une part, ce très joli livre, Pirro et Rigucada, et puis d'autre part, le deux t-shirts du Corsica Bike Festival, un festival qui se déroulera du côté d'Île-Rousse et qui mettra largement à l'honneur la bicyclette dans tous ses états entre le 27 et le 29 octobre. D'ailleurs, c'est un événement dont nous aurons l'occasion de parler sur nos avec les organisateurs. En attendant, nous allons retrouver tout de suite un collecteur de France Bleu, la sélection de Nicolas Lespaul. Il nous parle aujourd'hui de Céline Dion. Vous nous parlez de Céline Dion et du titre « Pour que tu m'aimes encore ». Absolument, un des rares collecteurs francophones à avoir eu du succès dans des pays qui ignorent même où se trouve la France. L'histoire de ce collecteur commence un samedi soir de 1983, où dans l'émission de télévision Champs-Élysées, Michel Drucker présente Céline Dion, une jeune Québécoise de 14 ans dotée d'une voix à couper le souffle. De l'autre côté du poste, Jean-Jacques Goldman, dont la carrière commence à décoller, remarque la jeune fille sans se douter que 10 ans plus tard, il sera encore fasciné par ce talent. Les années passent, et dans le début des années 80, Goldman, qui a travaillé avec les plus grands, décide d'écrire pour Céline Dion. Pour ce faire, il a besoin de s'immerger dans l'univers de la chanteuse, alors il lit tous les articles et écoute toutes les interviews de Céline. Je vais chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. Collector. Au cours de ses recherches,

Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore, ce sont vos collecteurs sélectionnés et narrés par Nicolas Lespoul. Subidu di l'estro da Rigolmeda, ecco a me mi barre. In Belgica, un ministro si trova in cattivi banni dopo una serata di riaghina. E festeggiava i suoi 50 anni in casa sua. E come ognuno sa, 50 anni sono 50 anni, né? Tanto si mangia, si canta e si veglia. E gli è l'ultima azione a più pesce. Figuratevi che tre invitati sono usciti di voro e si sono messi a pisciare in un furgone di pulizia. Chi gli era impostato qui per la sicurezza di un ministro. Buona, vabbè, non c'è nulla di male, no? Fora, chi c'erano di noi camerati di sorveglianza che hanno filmato tutto. Pensate, tanto tutte le reti di televisione hanno sparso l'immagine. E ecco che a un ministro gli è tocco a dar spiegazione. Ma pensate, non si ricordava più di nulla. E no, poca sbornia, no? E gli invitati, egli, manco l'aiutano. Mi faccio pensare a storia in un bellucchero. Un cliente entra e vede un bellucchero in traccia di biscià. Oh amico, chi bibbia? Dice il bellucchero, il padrone mi ha messo fuori e mi ne ho dopo domani. Una volta compia coppa, un cliente si faccia una cagata al centro di un salotto. Il bellucchero veglia in caderoccio, tanto il cliente gli dice, e io mi ne ho subito qua. Infine a me mi pare. Et dans quelques minutes, nous aurons le plaisir de retrouver Ekampa Kui du côté de Pino. En attendant, pour son musique, voici William Chabet Quartet en compagnie de Jérôme Casalonga, l'Isolana. Guardo lontano e mai a te. Chi la rivedo non fiorisce mai più. Si così sola a te ne ludo perché. E io d'aspetto bramo cantando ad oir tu. Era d'albore cogliendo in china un brutto madurato d'una spartiera ingiusta per suo sapore puro rimani sempre istinto figlio da giorno di ballo di scappa lontano. A fin di maggio e vola sino alla re. Dona guitarra l'isola na bueda, frustia domani per l'anima ispetto, si maraviglia e diventa perfetta. Sabbia dorme in ludo betu. Di Jérôme Casalonga, un bellissimo progetto che mette a oggi in Australia con una bella ambienza di jazz di William Chabé Quartet. È una bella scoperta musicale che noi abbiamo nata RCFM con questa canzone. Subito ci abbiamo per il paese di Bino, di in compagnia di Christophe Nuzagain dell'émissione Campa Qui. On continue donc cette balade dans l'ouest du Cap Corse. Christophe Zagain nous emmène au petit matin au bar du village où nous attend l'un de ses jeunes gérants, Léo. RCFM et Campa Cuit. Comme chaque matin, été comme hiver, le bar des Platanes au cœur du village cap-corsin est le lieu de rencontre des habitants de Pinou et notamment de ceux qui s'arrêtent au café avant d'aller travailler. Léo Bénévente, 27 ans, au comptoir, est l'un des gérants de l'établissement. Alors moi, je suis né à Bastia. On est rentré vivre ici avec mes parents, j'avais 3 ans. Et du coup, j'ai fait toute ma scolarité à Lourdes jusqu'à fin collège. Donc du coup, j'ai vécu là jusqu'à mes 14 ans à peu près. Après, je suis parti une petite dizaine d'années à Bastia. J'ai travaillé dans une école de musique. Mon but a toujours été un peu de vivre ici, d'élever des enfants comme j'ai été élevé moi. Donc du coup, un jour l'occasion s'est présentée, ma mère m'a appelé, elle m'a dit est-ce que ça t'intéresserait qu'on reprenne le bar. Et moi c'était un peu ma seule solution d'avoir un métier qui me permettait de vivre ici, d'avoir une bonne situation et de pouvoir vraiment vivre comme j'ai grandi quoi. Donc du coup l'occasion s'est présentée et on a foncé. Ici Léo travaille en famille. On a un restaurant familial, je travaille avec mon beau-père, ma mère, mon frère. Souvent, des fois, mon père, ma belle-mère aussi. C'est un restaurant saisonnier. On est ouvert le restaurant de avril à octobre. Et après, le bar est ouvert toute l'année. Dans un village comme le nôtre, on est peu peuplé, ça reste un lien social. L'hiver, on n'a pas beaucoup de clients, mais c'est important que le bar soit ouvert quand même toute l'année. Donc du coup, on ne ferme jamais. On est ouvert, on fait une petite pause entre midi et deux sur les mois d'hiver, mais c'est un établissement qui est ouvert du 1er janvier au 31 décembre. Un établissement qui accueille une clientèle très variée. Sur la saison estivale, on a beaucoup de touristes, mais quand même beaucoup de locaux. Parce qu'on a un village quand même qui se repeuple pas mal dans la saison estivale. Et après, l'hiver, c'est que des locaux. On a des jeunes, parce qu'on a quand même une bonne jeunesse qui vit sur le village à l'année, de ma génération. On est quand même bien une petite dizaine. Après, surtout, c'est des gens à la retraite. Enfin, on part de 40 ans jusqu'à 85 ans, quoi. On n'a pas trop d'âge de clientèle fixe. On a pratiquement tous les soirs, on a une partie de belote ou une partie de rami. C'est un peu le point de rencontre dans le village, quoi. On a le bar, le spa à côté, donc les gens vont faire les courses, viennent boire le café. C'est vraiment un lien social, quoi. Ils viennent boire le café le matin, l'après-midi, après manger. Pour l'avenir, Léo souhaite continuer à travailler au bar-restaurant familial

Absolument, c'est déjà fait depuis septembre. Alors, on avait déjà éliminé les petites boules gommantes en plastique. Eh bien, maintenant, plus de paillettes dans ma vie. Mais si, mais des paillettes minérales. Parce que les paillettes synthétiques, c'est ce qu'on appelle du microplastique. Ce sont des particules, et non pas des molécules. Bien sûr, dans les particules, il y a des molécules. Mais des particules qui font moins de 5 mm et qui, en fait, sont évacuées à un moment donné dans l'eau d'évacuation, l'eau du robinet. Hop, ça s'en va. Ça va à la station d'épuration. Ça flotte avec tout le reste. Et à un moment donné, eh ben, ça se retrouve dans la mer, dans la terre, et ce plastique va se décomposer pendant de longues années en molécules. Figurez-vous qu'on ne sait pas trop ce qu'elles nous font. On sait que c'est pas terrible parce que de toute façon, elles n'ont rien à faire là. Alors, eh bien oui, on va continuer à briller, mais tout en protégeant notre environnement. Et c'est pas une histoire de bobos ou d'écolos mal placés, parce que vraiment, ces plastiques, faut que ça s'arrête quand même. Alors, les paillettes minérales sont géniales, elles marchent très bien, elles protègent mieux votre peau, elles ont plus de compatibilité. On en avait parlé il y a déjà quelques semaines. Il y a un petit problème, c'est que c'est les petits Indiens qui les récoltent avec leurs doigts. Alors heureusement, tout ça est en train de se mettre en place pour avoir les fameux mica éthiques et briller dans notre vie en respectant tout le monde, l'environnement et les enfants. Elle a éteint la lumière, et puis qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Jean-Jacques Goldman à l'instant sur RCFM. D'ici quelques minutes, vous retrouverez l'actualité. Et puis, juste après, nous serons ensemble à partir de 18h avec notre invité. Nous parlerons du Duantu Incant, une soirée qui se passera du côté d'Yaoul Payo. Là, ça sera en fin de semaine. Ce sera samedi à partir de 18h30. On en parlera avec notre invité du jour, Paul Agostini. En attendant, voici un extrait de votre émission Le Cabaret avec le groupe Soul Revenge. Une chanson en français de notre regretté Charles Aznavour. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accroché ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. Oh, la bohème, café voisin, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et qu'au quelques bistrots, contre un beau repas chaud, nous prenait une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle, en oubliant l'hiver. Devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'assain du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin, l'on s'asseyait enfin devant un café crème. Et puis aimer la vie, fallait-il que l'on s'aime et que l'on aime la vie. Des jours Je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon maître semble triste et les lilas sont morts. La bohème, on est ticheur, on était fous. La bohème, ça ne veut plus rien dire du trop. La bohème, on est ticheur. Un extrait de votre cabaret sur RCFM. Il est 18h sur RCFM. Dernier point sur l'actualité, c'est avec vous Clémence Gourmand-Negrini, bonsoir. Bonsoir Marc-Andrea, bonsoir à tous. L'assassinat de David Costa-Dolez hier à Bastia est le 11e homicide depuis le début de l'année en Corse. Il intervient notamment après la série du mois d'août, 4 morts dans un même contexte lié à la criminalité organisée. Et alors que cela fera bientôt un an que l'Assemblée de Corse a réuni une session extraordinaire sur la mafia, à l'issue de laquelle 5 mois d'atelier ont eu lieu entre la CDC, les collectifs et d'autres associations. La restitution par la CDC aurait dû avoir lieu début septembre, et toujours rien, déplore Jean-Toussaint Placenzo, des porte-parole du collectif Massimo Susini. Eh bien, on n'a toujours pas de nouvelles, mais bon, cela dit, on est un petit peu habitué au retard. Rappelez-vous la session sur la résolution, ensuite la mise en place des ateliers. On est en retard. Le débat sur l'autonomie a occupé l'ensemble des conseillers territoriaux. Pourtant, la question de l'autonomie et la question de la mafia sont intimement liées et il y a urgence aujourd'hui. Après ces mois de travail avec la CDC, est-ce que vous pensez encore que ces ateliers ont été utiles ? En voyant qu'il n'y a pas de résultat pour le moment. Alors oui, ils ont été très utiles, notamment parce que on s'est trouvé face aux élus, notamment les élus de la majorité. Hein, les autres élus ont plutôt déserté les débats. Ça a été très enrichissant. Ça nous a aussi obligé à nous à réfléchir à des questions auxquelles on n'avait pas encore travaillé. Donc non, ça a été très très très utile. On a parlé de mafia, on a fait des propositions. Donc maintenant, la balle est dans le camp des élus. C'est à eux maintenant de prendre leurs responsabilités. Et si plus il tarde et plus les Corses vont se montrer inquiets par rapport à une situation qui devient maintenant de plus en plus difficile. Et dans l'enquête sur cet assassinat, hier au cœur de la citadelle de Bastia, la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille se saisit du dossier. L'AGIRS qui s'intéresse notamment aux deux personnes qui ont pris la fuite le visage caché après avoir tiré à deux reprises. Toujours une fuite de gaz à Ajaccio, quartier Pietralbe. La CAPA indique que ses agents travaillent toujours à sa résolution et que le retour à la normale devrait intervenir en fin de journée. Pour devenir propriétaire, avec un petit coup de pouce, Calvi parmi les 210 communes supplémentaires accessibles au prêt à taux zéro à partir de l'an prochain, annonce ce midi du ministre de l'Économie qui précise que le dispositif est prolongé de 2024 à 2027 et les règles aussi changent. Elles sont notamment étendues aux classes moyennes. Le détail avec vous, Pierre Emparent. Comme son nom l'indique, le prêt à taux zéro est un prêt où vous n'avez pas à payer d'intérêt. C'est l'État qui le prend en charge afin d'aider ceux qui achètent leur premier bien immobilier. Ce principe ne change pas et on ne pourra toujours pas en bénéficier pour acheter l'ensemble de sa maison ou de son appartement. Mais jusqu'ici, c'était 40% de l'emprunt. Ça passe à 50%, donc la moitié du capital, pour les ménages les plus modestes. Les classes moyennes, ceux qui gagnent entre 2500 et 4000 euros, qui n'avaient pas droit au prêt à taux zéro jusqu'à présent, pourront également en bénéficier l'an prochain à hauteur de 20% du crédit. Autre changement, ce prêt sera accordé pour l'achat d'un appartement neuf en zone tendue, c'est-à-dire là où on a du mal à se loger. 210 villes supplémentaires seront concernées. Sinon, ça concernera l'ancien à rénover, mais dans tous les cas, pas pour financer une maison individuelle neuve. Et de nombreuses villes de l'île sont déjà concernées par le dispositif. Pour vous renseigner, vous retrouvez un simulateur sur notre article via les réseaux sociaux de RCFM. Les liaisons vers la Corse ne sont pas concernées par l'annonce d'Air France de quitter l'aéroport d'Orly en 2026. Précision de la compagnie aérienne aujourd'hui après avoir annoncé hier qu'elle laisserait sa place à Transavia pour ses lignes intérieures parce qu'elles sont majoritairement déficitaires. Pour rappel, Air France candidate avec Air Corsica à la future DSP face au low cost Volotea. Pour faire face à la précarité menstruelle, bientôt des distributeurs de protection périodique jetable gratuite dans les collèges et lycées de Corse. C'est un dispositif de la collectivité à destination des ados qui n'ont pas les moyens de s'en acheter. L'achat de serviettes, de tampons ou encore d'antidouleurs revient entre 100 et 200 euros par femme chaque année. En plus des nombreux produits qui sont plus chers pour les femmes que pour les hommes, comme les rasoirs par exemple, sûrement parce que la boîte est rose. La circulation virale du Covid diminue en Corse, c'est ce qu'indique Santé publique France dans son bulletin hebdomadaire. Le taux d'incidence baisse de 31% par rapport à la semaine dernière. Des diminutions qui se ressentent chez SOS Médecins, pas encore aux urgences. Merci Clémence, on vous retrouve à 18h30 pour le rappel des titres. La météo 100% locale avec les magasins Gamme Vert de Corse. In Ajaccio, Calvi, Luciana, Punelli di Viumorbu e Portivecchio. In ogni corso c'è un campagnolo. Un campagnolo che da poi è qua a Zorto, poi sta grada più e stanotte per cominciare, nel nord di l'isola in particolare, anche un 20 mm d'acqua che saranno aspettate in certi luoghi, in particolare Rodione Cortinese o Puro Valagna, vento che ha da radio fino a 55 km all'ora e temperature stanotte che vanno da 15 a 18 ore in bordo di mare, 12 in di paesi e montagne, poi domani, bello tempo in principio di giornata e poi a poco, voltano i nuri, acqua da qua che saranno importanti domani in serata, in da notte, con sino a 40 mm in certi luoghi, o antuello ad Abues abbastanza forte, tradie da sud a sud-est e poi sino a 85 km all'ora e temperature domani in corso di giornata, 23-26 in bordo di mare, 15 rai in dell'interno. Chi va, chi cante sono una vena trova, una spera chi luci d'umanità, l'occhi d'altro e l'altro giudica, una mossa tutti insogna, un sogno chi muove di là fanno una mossa, un bisogno e chi può arriga, un pare che ci può fare via, e ci mi delle, se può darsi al di là. chi può scomuda, l'idei fatti e trafatti d'età. Una stampa di tempo fa la macchia, o più bedu scritto chi porta spana. Una mossa tutti insembi, l'insembi chi può balisa qui d'ingano. Una mossa chi preme chi può arriga. Un pare che ci può via di ai cimi delle se può darsi al di là. Un pare si può anche città, ma mica i fatti di l'indignità. Un pare che ci può via di ai cimi delle se può darsi al di là. Esordianti un parere in RCFM. RCFM, l'invité. Et dans notre partie invitée, Emu Biagéo, il y a dit par là d'une azerada, d'une tout incanto, deuxième édition, si bas sampa, et d'yaoul paio, la azerada sera sabadouzer, apertesi da seo remezzo, avec un plateau d'invités. Bon, on va avoir l'occasion de parler, assez impressionnant, pour parler de tout ça, c'est mon compagnon Dibol Agostini. Salude, Bol. Salude. Un piaget dirigé à Winanta RCFM. Donc c'est la deuxième édition. Une première édition l'an dernier, ça avait été surprenant parce qu'on avait fait rentrer quelque chose comme 200 ou 300 personnes dans une église qui en contient normalement 100. Et ragual cosa guzi quoi laser, hein. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement l'an dernier, on ne s'attendait pas à une telle ampleur. On avait prévu pour une centaine de personnes et puis effectivement nous étions 200 et on en a même refusé. Hein, et c'est vrai que c'était impressionnant. Et cette année il y a eu un engouement. Hein, c'est vrai que la part des jeunes qui participent ont voulu renouveler ça cette année. D'ailleurs je les remercie tous parce que sans eux c'est vrai que cette soirée n'aurait pas lieu. Et voilà, c'est vrai que c'est pour ça que cette année on s'est dit on va refaire une deuxième édition et chaque année laisser un peu une place aux jeunes. Alors je suppose qu'en amont de ça, on aura l'occasion de parler de la soirée à proprement parler, mais c'est l'association Asantissima Annunziata. Derrière cette association, pour vous, Paul Agostini, per i vostri compagni quassù in paese di Aulpaiola, avete l'idée di noi di Vacampaolo, semplicemente. Hein? Voilà, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on veut que Aulpaiola est un lieu pour vivre. C'est vrai que sur le plan culturel, alors il y a notre association, il y a même d'autres associations, telles que Artelogo aussi. Et c'est vrai qu'actuellement, nous avons pas mal de panels pour offrir un maximum de choses pour les personnes. Et depuis peu aussi, nous avons ouvert un espace de vie sociale et aussi dans lequel il y a un café associatif. Ce village d'Aulpaiola, est-ce qu'on parvient, comme dans d'autres endroits, à maintenir, allez, est-ce qu'on arrive à maintenir ça ou est-ce que c'est devenu difficile? Alors, on y arrive, tout doucement. Il faut que ça s'installe, tout doucement. C'est vrai que c'était un village qui était très vivant à l'époque. C'est un village qui était très vivant. Bon, après, la situation a fait que, vous le savez, que de plus en plus de personnes ont commencé à rejoindre la ville. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui ont un peu déserté les villages. Et c'est vrai que, à travers les diverses associations qu'il y a, on essaye un peu de revivre cette flamme à Aulpaiola que j'ai connue. Durant ma jeunesse. Ouais, aussi des dentoués, tu vois, on est sur des trentenaires, allez, on dira, pour nos auditeurs. Donc, il y a cette association, il me semble aussi que, jamais très loin de l'association, il y a le travail qui est accompli par la confrérie. Vous étiez là à Rome pour chanter pour le cardinal de la Corse. Voilà, il y a aussi cette vie, quelque part, qui se reconstitue autour de cette église, Asantissima Annunziata. C'est ça. C'est vrai que, bon, comme dans chaque village, hein, l'église est au cœur du village, d'où le nom de l'association. Et c'est vrai qu'il y a la confrérie depuis 2019 qui œuvre. On essaie de remettre un peu les fêtes d'antan en place, d'essayer d'initier aussi des personnes, hein, à la liturgie sacramentelle et les accompagner sur le chemin de la foi. Bon, bien sûr, toujours en coordination avec le prêtre ou le diacre, hein, de la région. Mais la confrérie, c'est un autre pôle puisque nous avons aussi le côté associatif. C'est vrai que les personnes du village qui ne sont pas forcément chrétiens ou pratiquants peuvent adhérer à l'association et rester vraiment sur cet aspect social. Mais est-ce que si au-delà de la religion, derrière les confréries, même derrière le chant sacré en Corse, il n'y a pas quelque chose de plus profond qui relève davantage de la spiritualité au sens plus large du terme, même je dirais même du chant et du partage, de quelque chose de qui est plus dirons-nous culturel à la rigueur que à proprement parler religieux stricto sensu. C'est exactement ça. Majoritairement, les personnes qui sont rentrées de la part du côté culturel. Et vous savez, on dit toujours qu'avec le culturel, on attire vers le cultuel. Ouais. Donc c'est vrai que le fait qu'il y ait ces chants au sein de la confrérie a pu attirer pas mal de monde, et surtout les personnes ont pu aussi essayer de chercher un peu plus profondément au niveau de la liturgie, c'est-à-dire de s'intéresser, et c'est vrai que c'est intéressant. On a de plus en plus de personnes qui souhaitent rentrer, et même des jeunes à travers certains, donc parce qu'il y a le catéchisme qui avait été relancé à Volpajo, là, et ces jeunes, petit à petit, sont venus, se sont intéressés, ont même proposé d'intégrer la confrérie, et ça, c'est extraordinaire, parce que mine de rien, le côté religieux, certes, ça attire, et en plus de ça, il y a aussi l'associatif qui fait que ça attire beaucoup de monde, et ça permet de faire vivre un village. Et puis ces messes chantées en Corse, c'est aussi... Il faut le rappeler parce que les gens ne le savent pas forcément, mais c'est de véritables ovnis musicaux. C'est ça. C'est presque difficile à expliquer, et puis on est sur des messes qui sont admirées à l'échelle mondiale. Hein. C'est vrai. Mais après, attention, moi je le dis souvent, on chante, mais on prie quand on chante dans une église. Parce que les mots qu'on dit sont quand même liés à la liturgie. Donc on va pas chanter un kyrie comme si on chantait une padille, là. C'est pas la même chose. On est de l'autre côté de la frontière. Exactement. Il y a un sens quand on chante le kyrie. On prie. Donc c'est ça qui est très intéressant. Et c'est vrai que j'ai eu de très bons professeurs. Je pense essentiellement à Lani Goli. Qui faisait partie membre de Canto fondateur Bobo Gorse, de Canto Bobo Gorse, voilà, et d'Etienne Madialès, qui qui faisait partie de la confrérie de Saint Joseph, et c'est là que ça tout a démarré finalement, et c'est lui qui a pu m'apprendre réellement ce que c'était avoir la foi. Pourtant, j'ai un père qui est diacre. Ouais. Mais on va dire, dans ma jeunesse, j'étais plus rock'n'roll. C'était, ouais. On va dire que tout ce qui était côté un peu religieux, tout ce qui est côté un peu traditionnel, ça me passait un peu par-dessus la tête. Et c'est vrai que cet homme m'a beaucoup appris. Premièrement, par rapport à la confrérie, par rapport au chant, par rapport à l'esprit. Chose très importante. Et par la suite, j'ai eu cette chance aussi que Yves Pasquale ait pris le relais. Et en tout cas, c'est deux personnes que je remercierai toute ma vie et que j'oublierai jamais. Alors, on va entendre un premier extrait musical. On vous a demandé de choisir vos titres. Moi, dans un petit biegi, Manizuno a disprezza de Boje Igor, c'est gars. Pourquoi ce choix pour l'Agostini ? Et parce que tout a commencé comme ça. C'est-à-dire que tout a débuté, je m'en souviens encore, j'étais tout jeune, j'avais 17 ans ou 16 ans. J'étais dans la voiture avec mon père et d'un coup, mais d'ailleurs, sur les ondes d'RCFM, j'entends Moi Identi Biagi, Ashtabadir. Et je me dis, bon, j'ai beau, bon, que c'est ? Bon, on a Oje Gouzi, des Bedrougelfou, j'ai des Bedrou, ouais, bon, Mboja Rabia. Voilà, j'ai dit, c'est magnifique. Et je vois le petit sourire de mon père, parce que mon père aussi a joué un rôle là-dedans, parce que lui-même chantait dans les groupes. Il a chanté même à l'époque avec Philippe, il avait un groupe Esperanza. Et je le vois dans son petit sourire, ah, ça te plaît, tu sais, je le cédais à la maison. Et fa, allez, adios cortado disco et tout. Ah, j'ai dit, c'est intéressant. C'est de là qu'il m'a rapproché d'Alain Nigoli. Et après, la passion est venue. Après que des amis, vous vous souvenez, le groupe Esperance, on l'a relancé. Et même, on va tout gérer au diagour, si tout est éveillé, j'étais... Et tu spirito qui donc canterà stasera di 21 d'ottobre a 6 e mezzo donc in chiesa di Aulpaiola. Ne parliamo con voi, Paolo Agostini. Stiamo con voi, stiamo a sante, Boge i Gorsiga e ci ritroviamo di stuobo. Bogey Igor, si che con moi da non ti piegi a mani su non la disprezza, padie la scelta di Paul Agostini. Paul Agostini, dunque, ricordiamo, si è qui per parlarci di stasera da Giuento Incanto, a seconda edizione di Giuento Incanto in paese di Aulpaiola, si basta a Stusaba, di a 6 ore e mezzo isera. Allora, au niveau du plateau, comment dire, hein, on est sur une trentaine d'invités. D'où ça sort tout ça? C'est non pas d'un colpo goulon ou une chima ou une gouline, ils sont sortis dit comme dans Astérix en Corse. Ça s'est passé un peu comme ça. Non, mais c'est-à-dire que c'est vrai que la plupart, pratiquement tous, ce sont des amis que on a pu rencontrer lors de nombreuses soirées. Comme j'ai pu dire, j'ai fait pas mal le tour des fêtes de différentes régions, de différents villages. Et du coup, on s'est créé d'amitié, on a créé des liens, on a commencé à chanter ensemble. Et on a participé à diverses soirées. Et c'est vrai que je les ai appelés. Et une fois de plus, je les remercie énormément parce qu'ils ont tous répondu présents sans aucune hésitation. Et ça, franchement, merci parce que sans eux, la soirée ne se ferait pas. Et de même, hormis les personnes présentes, je tiens aussi à remercier énormément les membres de l'association, de la Sociedad Santissima Annunziata, qui depuis 2018 font un travail remarquable. Et ils sont toujours présents, toujours là quand on les appelle. J'ai même plus envie de dire que ce sont des membres, j'ai envie même d'utiliser le terme famille, parce que nous sommes unis et nous sommes toujours là, et ils sont toujours derrière. Et croyez-moi que parfois, j'impose pas mal de choses, et les pauvres. Alors au niveau des invités, donc on l'a dit, une trentaine de personnes, bon, parmi lesquelles des noms qui sonneront au Gounichou, il y a Aino Straudidor, il y a Cesare Pedro Bracci, Francesco Emanuele, il est Anton, il y a Diana Saligedi. On va pas tous les citer, il y en a une trentaine, Stefano Travalini, Jean-Vincent Servette, enfin Doria, etc., etc. Est-ce que c'est pas quelque part aussi l'une des magies du chant corse de pouvoir, sur l'aspect, il faut le dire, on va prononcer le mot, mais sur l'aspect militant, sur l'aspect amical, pouvoir avoir des plateaux comme ça en disant Dieper Spartum Moment, Dieper Agultura, Dieper Ubaese, et à réussir à sortir ça, quoi. C'est, je sais pas moi s'il y a beaucoup d'autres endroits où on peut le faire. Bah écoutez, en tout cas c'est vrai qu'il y a autre chose derrière. Alors hormis que la jeunesse est un plateau pour pouvoir s'exprimer, un endroit pour pouvoir s'exprimer, il y a un côté aussi où on dit guardate oyente, adiuento e sempre gui, simo gui. Voilà, donc pour parler aussi, dire qu'il n'y a pas tout qui est perdu. Malgré une société où actuellement c'est très difficile, la jeunesse est quand même présente. Et à travers le chant, beaucoup de messages peuvent passer. On l'a vu dans divers groupes. Si on prend Kanta ou Bobo Lugours, au tout début, il y avait un message derrière. C'est dire, regardez, on est là, on est présent. Et c'est vrai que, alors, attention, je n'ai pas cette prétention, loin de là, de dire qu'on de, est... De refonder Kanta. Voilà, nous sommes très très loin, parce que là, c'est les pontes. Et c'est vrai que là, c'est plus pour dire, les jeunes sont là, ils sont présents, et